Chapitre 56e. Après un moment de silence, et pendant que Madame de Saint-Terre, pour ainsi dire, palpitait de fureur sous cette abominable révélation, à laquelle elle ne pouvait encore se décider à croire, que son fils voulait épouser une maîtresse de piano vivant de ses leçons, M. de Maillefort reprit froidement, et comme si l'entretien précédent n'avait pas eu lieu, « Madame, que pensez-vous de la noblesse et de l'illustration de la maison de Haumartel ?» D'abord, Madame de Saint-Terre regarda le bossu avec une muette surprise, puis elle lui dit « En vérité, monsieur, cette question est inconcevable. Pourquoi donc cela, madame ?»« Comment, monsieur ? Vous me voyez accablé sous le nouveau coup qui me frappe et que vous m'avez porté, involontairement sans doute, » ajouta-t-elle avec une ironie amère. « Et vous venez me demander, sans rime ni raison, ce que je pense de l'illustration de la maison de Haumartel ?» Ma question est moins étrangère que vous ne le pensez au coup qui vous frappe, madame, en cela qu'elle pourrait l'amoindrir. Encore une fois, que pensez-vous de la maison de Haumartel ? Eh, monsieur, il n'est pas en France de plus illustre et de plus ancienne, vous le savez mieux que personne, puisque cette maison, dont vous êtes Ania, est la vôtre. Je suis maintenant le chef de cette maison, madame. Vous ? S'écria madame de Saint-Terre. Et chose singulière, l'accent amer et courroucé de cette femme succéda une sorte d'envieuse déférence pour le nouveau représentant de cette puissante famille. « Mais, reprit la mère de Gérald, le prince-duc de Haumartel, qui vivait dans ces terres d'Allemagne depuis cette sotte révolution de 1830, le prince-duc de Haumartel s'est noyé par imprudence, madame, et comme il n'avait ni frère ni enfant, et que je suis son cousin germain, il faut bien que j'hérite de son titre et de ses biens. » Alors cet événement est tout récent. J'en ai reçu la première nouvelle par monsieur l'ambassadeur d'Autriche, et hier j'ai eu la confirmation officielle de ce fait. Ainsi, monsieur, dit madame de Saint-Terre avec une admiration jalouse, vous voilà marquis de Maillefort, prince-duc de Haumartel. Tout autant et sans me donner beaucoup de mal pour ça, comme vous voyez. Mais c'est magnifique, monsieur, s'écria cette malheureuse monomane, oubliant son fils, dont le désespoir pouvait aboutir au suicide. Ne songeant qu'à s'extasier devant une nouvelle et haute fortune nobiliaire, mais vous êtes à cette heure un des plus grands seigneurs de France. Mon Dieu, oui, ça m'a poussé tout d'un coup, cette belle dignité-là. Et dire qu'hier j'étais tout simplement un fort bon gentilhomme. Mais aujourd'hui, comme je suis changé, hein, est-ce que vous ne trouvez pas ma bosse un peu diminuée depuis que vous me savez si grand seigneur ? Monsieur, il n'est pas plus permis de plaisanter de la noblesse que de la religion. Certainement, il y a bien assez d'autres sujets de plaisanterie. Mais j'oubliais de vous dire que le prince-duc de Haumartel m'a laissé en gris à peu près 50 000 écus de rente, liquide, en bien fond, toute dette payée. 50 000 écus de rente. Mais quoi qu'on ne sache pas au juste votre fortune, on vous dit déjà fort riche, monsieur. Reprit madame de Saint-Terre avec une sorte de jalousie cupide. « Pouah ! » Fit le bossu. « Je ne sais pas non plus bien au juste le chiffre de mes revenus, car mes fermiers, pauvres gens, ne me payent que lorsqu'ils le peuvent, sans trop se ruiner. Mais enfin, les pires années, je boursicote toujours bien dans les environs d'une 60 000 livres nettes d'impôts et de non-valeur. Sans compter, ceci est pour l'honneur, que les gros bonnets électeurs de l'arrondissement où j'ai mes propriétés me font l'honneur de me proposer d'être leur député. Une épidémie ayant dernièrement emporté leur vénérable représentant actuel. Vous voyez que gloire et fortune tombent sur moi de rue comme grêle. Alors, monsieur, vous avez ainsi plus de 200 000 livres de rente, et avec cela, prince-duc de Haumartel. Et député, possible, s'il vous plaît, notez cela. C'est une position superbe. Parbleu! Et avec ma figure et ma tournure, je peux, n'est-ce pas, prétendre au plus brillant parti. Dites donc, quel dommage que mademoiselle de Beauménil soit amoureuse d'un beau jeune homme. Sans cela, elle eût été fièrement mon fat. Une idée subite traversa l'esprit de madame de Saint-Terre. Cette vaine et avide créature, après un moment de réflexion, regardant monsieur de Maillefort d'un air pénétrant, lui dit « Monsieur de Maillefort, je crois vous deviner. Voyons. La question que vous me posiez, m'avez-vous dit, à propos de ce que je pensais de la maison de Haumartel, avait pour but une sorte de compensation au coup affreux qui me frappe dans la personne de mon indigne fils. « En effet, j'ai dit cela, madame, et c'est la vérité. »« Eh bien, maintenant que vous êtes le chef de cette grande maison, vous voulez sans doute qu'elle ne s'éteigne pas. »« Il y a du vrai là-dedans, » répondit le bossu, assez étonné de la pénétration de madame de Saint-Terre, quoiqu'il fût à mille lieues de se douter de la véritable pensée de la duchesse. « Oui, » reprit-il, « je vous avoue, madame, que j'aimerais assez que ce nom ne s'éteigne pas. » Et comme vous savez qu'une jeune fille de haute naissance et d'une éducation pieuse est seulement capable de porter ce grand nom et de comprendre les devoirs sacrés qu'elle aurait à remplir envers l'homme à qui elle devrait une si magnifique position, vous songez à ma fille aînée. Et c'est ainsi que vous m'offrez une compensation au malheur que me cause le désordre de mon fils. Moi, me marier ? S'écria le bossu, encore plus révolté que surpris de l'infâme proposition de madame de Saint-Terre. Mais voulant savoir jusqu'où pouvait aller l'aveuglement, la cruauté et la cupidité cynique de cette marâtre, il reprit en simulant un de ses refus qui ne demande pas mieux que de se laisser vaincre. Moi, songer à un tel mariage? Et d'ailleurs, lors même que j'y songerais, serait-il possible? Pensez-y donc, madame, à mon âge, et fait comme vous voyez, tandis que votre fille Berthe est charmante et n'a pas 20 ans. Allons donc, elle me rirait au nez, et elle aurait raison. Vous vous trompez, monsieur, répondit gravement cette mère incomparable. D'abord, mademoiselle de Saint-Terre a été élevée dans des habitudes de soumission et de respect dont elle ne se départira jamais. Puis elle sait qu'elle est pauvre, et que jamais elle ne rencontrerait une position pareille à celle que vous pouvez lui offrir. Mais encore une fois, je suis vieux, je suis laid, je suis bossu, comme un sac de noix. Monsieur le marquis, mes filles ont été élevées de telle sorte qu'elles ne lèveront, pour ainsi dire, les yeux sur les maris que je leur choisirai que lorsqu'elles reviendront de la messe nuptiale. Jolie surprise que vous ménageriez là, ma foi, à la pauvre enfant qui m'épouserait. Je vous le répète, monsieur le marquis, mes filles n'ont pas de ces indécentes imaginations qui vont jusqu'à oser apprécier charnellement un mari. Je signifierai ma volonté à ma fille aînée, cela suffira. Je dirai à cette indigne mère l'horreur qu'elle m'inspire, pensa le bossu. Qui gagnerai-je? C'est une méchante et incurable folle. Servons-nous plutôt de sa folie. Et le marquis reprit tout haut, voyant madame de Saint-Terre attendre sa réponse avec une vive anxiété. Vous m'avez dit tout à l'heure, madame, et très sagement, qu'il ne fallait plaisanter ni avec la noblesse, ni avec la religion, n'est-ce pas? Oui, monsieur le marquis. Vous avouerez qu'il ne faut pas non plus plaisanter avec le mariage? Non, certainement, monsieur le marquis. Eh bien donc, entre nous, votre désir de voir votre fille Berthe, princesse de Haumartel, ne va rien moins qu'à vouloir bafouer cruellement la religion, la noblesse et le mariage. Ces trois choses saintes, ainsi que vous les appelez. Comment cela, monsieur? Mademoiselle de Saint-Terre outragerait le mariage et la religion, ou plutôt, c'est bien pire, la nature et le Créateur, en jurant amour et fidélité à un vieux bossu comme moi. Et à mon tour, je me moquerais fort de la noblesse en général, et des maisons de Saint-Terre et Haumartel en particulier, en m'exposant à perpétuer leur illustre lignée dans la personne d'affreux petits Bosco, fait à mon image. Cela prouverait sans doute la résignation et la fidélité de ma femme, mais cela donnerait au monde la plus bouffonne opinion de nos grandes races historiques. Monsieur le marquis, je sais bien que vous allez me citer la bosse du prince Eugène. La mienne se tient probablement dans son fort intérieur extrêmement flatté de la comparaison. Mais il ne faut pas, voyez-vous, ôter leur lustre à ces raretés-là en les multipliant. Je vous sais un gré infini de votre offre, et mademoiselle Berthe me saura de son côté un très grand gré de vous avoir refusé. Mais il dépend cependant de vous, de réaliser l'alliance de nos deux puissantes maisons, comme vous dites, et d'empêcher mes 200 000 livres de rente de sortir de votre famille. Je me hâte bien vite de vous dire que je suis trop convaincu de mon peu de mérite pour oser lever les yeux jusqu'à vous, madame la duchesse, ajouta le bossu avec un profond et ironique salut. D'abord, je vous serai le plus détestable mari du monde, et puis je n'ai aucune vocation pour le mariage. » Vous n'avez pas besoin, monsieur, d'aller avec tant d'empressement au-devant d'une proposition que l'on ne vous fait point, répondit la duchesse de Saint-Terre avec un dépit hautain. Veuillez seulement vous expliquer plus clairement, car je ne saurais deviner des énigmes. Vous me parlez d'unir nos deux maisons, d'empêcher votre fortune de sortir de ma famille. Je ne comprends rien à cela. Entre nous et sans reproche, vous aviez été assez facile quant à l'alliance lorsqu'il s'est agi du mariage de Gérald avec mademoiselle de Beauménil. Beauménil n'est qu'un nom de terre, et le grand-père du feu comte, très galant homme d'ailleurs, était simplement M. Joseph Verpuis, banquier puissamment riche. Je savais parfaitement, monsieur, que sous le rapport de l'alliance et de la naissance, M. Verpuis de Beauménil était moins que rien, mais... Mais les millions vous doraient un peu cette roture récemment anoblie, n'est-ce pas? Néanmoins, quoique les millions doivent être cette fois en petit nombre, puisqu'ils se réduisent à 4 ou 5, que diriez-vous d'un billet de faire part ainsi conçu? Monsieur le marquis de Maillefort, prince duc de Haumartel, etc., etc., a l'honneur de vous faire part du mariage de mademoiselle Herminie de Haumartel avec monsieur le duc de Saint-Terre. Madame de Saint-Terre, au comble de la surprise, regarda le bossu sans comprendre, il continua. Il serait dit et porté au contrat que les enfants mâles, issus du dit mariage, porteraient le nom de Saint-Terre Haumartel, ce qui, j'imagine, sonnerait aussi bien que Noailles Noailles, Rohan Rochefort ou Montmorency Luxembourg. Et comme mademoiselle Herminie de Haumartel est fille unique, et que je vis de peu, le jeune ménage aurait, en attendant ma mort, environ 50 000 écus de rente pour porter dignement, comme vous le dites si bien, madame, cette double illustration. En vérité, monsieur de Maillefort, je ne vous comprends pas du tout. Vous n'avez jamais été marié, et vous n'avez pas de fille. Non, mais qui m'empêche d'en adopter une, de lui donner mon nom? Ma fortune. Personne, assurément. Et cette jeune fille que vous adopteriez, quels sont ses parents? Elle est orpheline, et comme je vous l'ai dit, elle est maîtresse de piano et vide de ses leçons. Comment? S'écria madame de Saint-Terre. Cette fille dont Gérald est affolée, cette créature... « Assez, madame, » dit sévèrement le marquis. « Je ne tolère pas que l'on parle ainsi d'une jeune personne que j'honore, que j'aime, que j'estime assez pour lui donner mon nom. »« Soit, monsieur, mais ce que vous m'apprenez est si étrange. »« Bah, pour étrange. Acceptez-vous, oui ou non ?»« Acceptez, monsieur, acceptez pour ma belle-fille une personne qui aura donné des leçons de piano pour vivre. »« Cette susceptibilité est héroïque, assurément. » Mais je vous ferai remarquer que votre fils n'a rien ou peu de chose, et que mademoiselle Herminie de Maillefort, qui a eu l'indignité de vivre honnêtement, vaillamment de son travail, apporte à monsieur de Saint-Terre 200 000 livres de rente, et l'alliance de la maison de Haumartel. Enfin, j'ajouterai pour mémoire que, si vous refusez, votre fils se tuera. Je sais bien que vous aimeriez mieux le voir mort que mes alliés, car la mère des Gracques n'est rien du tout auprès de vous pour le stoïcisme. Mais il ne s'ensuivra pas moins que la maison de Saint-Terre s'éteindra dans votre fils par le plus déplorable état, ce qui est, je crois, pire encore qu'une mésalliance, surtout lorsqu'un Saint-Terre se mésallie avec une Maillefort de Haumartel. Mais, monsieur, l'on saura bien que cette personne n'est que votre fille d'adoption. Tout ce que je puis vous dire, madame, c'est que je ne me serais jamais fait à moi-même une fille ni plus tendre, ni plus belle, ni plus vraiment noble. Vous la connaissez donc beaucoup? Vous me faites en vérité, madame, la plus singulière question du monde. Voyons, croyez-vous que moi, tel que vous me connaissez, je donnerais mon nom à une personne qui n'honorerait pas ce nom? Mais enfin, monsieur, s'écria madame de Saint-Terre d'un ton de récrimination douloureuse, rien au monde ne pourra faire que votre fille adoptive n'ait été quelque chose comme artiste. Ma fille adoptive aura eu en effet l'inconvénient d'être et d'avoir été une artiste du plus rare talent, c'est déplorable. J'en souffre, j'en pleure, j'en gémis. Mais hélas, vous savez le proverbe, la plus belle fille du monde. Et sa clientèle est-elle dans votre société? Elle est trop orgueilleuse pour cela. Non pas notre société, mais... Herminie de Maillefort. Mon Dieu, marquis, vous me jetez dans un embarras, dans une perplexité. Je vais, je crois, madame, mettre un terme à ces embarras. Écoutez-moi bien, reprit monsieur de Maillefort, non plus avec ironie, mais d'une voix ferme et sévère. Je vous déclare, moi, que si vous refusez votre consentement, je vais trouver Herminie, je lui apprends ce que j'ai l'intention de faire pour elle, et je lui prouve que si pauvre, sans nom et craignant de paraître s'imposer à la famille de Saint-Terre par ambition ou par cupidité, elle devait, pour sa propre dignité, exiger de vous, madame, une démarche auprès d'elle, la fille adoptive de M. de Maillefort, en apportant un grand nom et 200 000 livres de rente à M. de Saint-Terre, ne doit plus avoir les mêmes scrupules que la jeune artiste. Comme Herminie adore Gérald, et que mon conseil sera plein de sens, elle m'écoutera. Votre fils vous fera les sommations voulues et tout sera dit. Monsieur, sans doute il en coûtera beaucoup à Gérald de se passer de votre consentement, car il vous aime, aveuglément, c'est le mot. Mais pour lui épargner tout remords, je lui répéterai vos paroles, madame. J'aime mieux voir mon fils mort que mes alliés. Paroles atroces, ou plutôt insensées. Lorsque je vous affirmais, moi, que Gérald ne pouvait aimer une personne plus honorable que celle qu'il a choisie. Monsieur, vous ne voudrez pas semer la discorde entre mon fils et moi. Avant tout, j'assurerai le bonheur et le repos de Gérald, puisque vous êtes assez opiniâtre pour vouloir le sacrifier à des préjugés absurdes. Monsieur, cette expression a des préjugés d'autant plus absurdes, madame, qu'après l'adoption que je propose, ils n'ont plus même de prétexte. Un dernier mot. Si vous avez le bon sens maternel de préférer vivre en paix et en affection avec votre fils, et vous épargner ainsi qu'à lui un éclat fâcheux, vous vous rendrez demain chez Herminie. Toutes informations sur cette jeune personne vous étant parfaitement inutiles, après ce que je fais pour elle. Moi, monsieur, aller la première chez cette personne, il faudra vous dégrader jusque-là. Dégradation d'autant plus terrible qu'Herminie, pour des raisons à moi connues, devra ignorer que je l'adopte jusqu'après votre démarche. Ce sera donc tout bonnement à mademoiselle Herminie, maîtresse de piano, que vous irez dire que vous consentez à son mariage avec Gérald. Jamais, monsieur, je ne m'abaisserai à une telle démarche. Songez que cette démarche n'a rien d'humiliant, et que personne n'en sera témoin, sinon moi, qui me trouverai chez Herminie. Je vous dis, monsieur, que c'est impossible. Jamais je ne m'exposerai à une pareille humiliation. Alors, madame, au lieu de vous faire adorer de votre fils en consentant à une chose que vous ne pouvez empêcher, Gérald aura la mesure de votre tendresse pour lui, et l'on se passera de votre consentement. Mais enfin, monsieur, vous ne pouvez exiger que je prenne ici, en un instant, une détermination de cette gravité. Soit, madame, je vous accorde jusqu'à demain midi. Je viendrai savoir votre réponse. Si elle est conforme à la raison, à la véritable affection maternelle, je vous devancerai de quelques instants chez Herminie, afin de me trouver chez elle lors de votre arrivée. Sinon, je vous déclare qu'avant 6 semaines, votre fils est marié. Ce disant, le marquis salua Madame de Saint-Terre et sortit. Je n'en doute pas, se dit-il, cette malheureuse folle fera la démarche que j'exige d'elle, car sa cupidité et son ambition sont flattées de ce mariage et lui feront oublier l'inconvénient de l'adoption. Puis enfin, par une de ces contradictions malheureusement fréquentes dans notre pauvre nature, cette femme, qui dans son entêtement farouche et stupide, pousserait son fils au suicide, est aussi jalouse de son attachement que si elle était la plus sage, la plus tendre des mères. Elle comprendra quelle adoration Gérald aura pour elle, si elle paraît librement consentir à son mariage, et elle viendra chez Herminie. Mais hélas, ce ne serait pour moi que partie à moitié gagnée, se dit encore le bossu. Herminie, dans son orgueil, acceptera-t-elle d'être ma fille d'adoption en sachant les avantages que cette adoption lui apporte et qui ont seuls décidé Madame de Saint-Terre? Je crains que non. Ne l'ai-je pas vue, cette orgueilleuse fille, presque blessée, de ce qu'Ernestine lui offrait non de partager son opulence, mais de rester auprès d'elle en abandonnant ses leçons? Et pourtant, elle sait peut-être qu'Ernestine est sa sœur, car je n'en doute plus. Herminie est et sait être la fille de Madame de Beauménil. Avec cette susceptibilité fière, encore une fois, Herminie acceptera-t-elle mes offres? Je suis loin d'en être certain, quoi que j'aie pu dire à la mère de Gérald afin de la décider en l'effrayant. C'est pour cela que j'aurais préféré l'amener à ce mariage sans recourir, pour le moment du moins, à l'adoption. Mais c'était impossible. Madame de Senneterre aurait vu son fils se tuer de désespoir plutôt que de consentir à sa mésalliance avec une pauvre fille sans nom et sans fortune. Enfin, que j'obtienne seulement que Madame de Senneterre fasse la démarche que j'exige auprès d'Herminie, orpheline et maîtresse de piano, nous verrons ensuite. Allons maintenant chez Madame de la Roche-Aigu. Après ma fille Herminie, ma fille Ernestine. Il s'agit de tomber à l'improviste chez ce malencontreux baron, car dans l'exaspération où il est contre moi, depuis que j'ai ruiné ses espérances de pairie en démasquant ce misérable mornant, il éviterait à tout prix de me recevoir. Mais grâce à Ernestine, je pourrais le surprendre, et heureusement pour mes desseins, il est encore plus sot que méchant. M. de Maillefort, remontant dans sa voiture, se fit conduire chez M. de la Roche-Aigu.